Selon des informations en provenance de Séoul, a eu lieu le 5 et 6 novembre les funérailles du paysan Peng Nam-gi tué par la police fasciste sud-coréenne. Y étaient présents les membres de la famille du défunt, les membres de la direction de lutte Peng Nam-gi, des parlementaires issus des partis de l'opposition et des personnalités du milieu politique et d'autres habitants venus de tous les coins sud-coréens. Le 5, les funérailles se sont déroulées sur la place de Gwanghwamun devant la Maison Bleue en présence de plus de 10 000 citadins, y compris le maire de Séoul, des parlementaires de l'opposition et des personnalités politiques. Les orateurs ont déclaré continuer leur lutte pour juger le gouvernement meurtrier sans se borner à garder la mémoire du feu Peng Nam-gi. Le 6, le rite s'est tenu à Poson, pays natal de Peng Nam-gi et ailleurs, avant d'enterrer le corps mortel au cimetière Mangwaltong, où se reposent les victimes du soulèvement de Gwangju, ville de la résistance.